Yeah. Mademoiselle veut jouer dans ce jeu. Faire du buzz, être à l'affiche des étoiles plein les yeux. Oh, et gâche, mets ta yo, virginité, elle aime pas coûter. Visitant le sale, pour mes flics, je vais dans mes filiettes, ça tue le collet. Dans mes mots, chaud, tu fonds, tu es tu le date. Tu, et tiède, tiède, tiède, c'est les écoles, mais androïdes. Ta visite en banaison, score les aides, mes caisses. C'est la vie qu'elle a choisi, alors pas écrue, mais tu, quand t'es pas tiède. Elle a perdu le contrôle, il y a que drogue et qu'elle assume ses faits. Donc s'il vous plaît, soyez fair play. Soyez fair play. Elle voulait faire partie du game, c'est devenu un jouet. Un jouet, c'est devenu un jouet. Elle voulait faire partie du game, c'est devenu un jouet. Un jouet, c'est devenu un jouet. Elle voulait faire partie du game, c'est devenu un jouet. Un jouet, c'est devenu un jouet. Elle voulait faire partie du game, c'est devenu un jouet. Un jouet, c'est devenu un jouet. C'est pas joli à voir, cette meuf, ce soir, a vendu son âme. Au revoir, passe les night en VIP sur les tables tard le soir. Shooté comme tous les autres soirs. Elle a les apps derniers cris, payés par ses amants. Elle cache ses coups de ceinture de clients pas contents. Elle crie à l'aide, mais personne ne l'entend. Ne voit plus ses amis, encore moins ses parents. Difficile à vivre dans le mensonge. Mademoiselle évite la vérité, elle esquive tout le monde. Elle a une seule amie, celle-là c'est la petite dose, elle a plus assez. Souvenirs effacés à cause de soirées passées. Elle voudrait recoller ce qu'elle a cassé. Elle voulait faire partie du game, c'est devenu un jouet. Un jouet, c'est devenu un jouet. Elle voulait faire partie du game, c'est devenu un jouet. Un jouet, c'est devenu un jouet. Elle voulait faire partie du game, c'est devenu un jouet. Un jouet, c'est devenu un jouet. Elle voulait faire partie du game, c'est devenu un jouet. Un jouet, c'est devenu un jouet.